une boîte de haricots. Ajoute des piments, j'ai la mauvaise idée dans le métro. Tranquille, je craille mon assiette sans même tirer une sale tête, je la finis. Wow, laisse-moi piment pour une de voix, c'est plus fort qu'une nerveuse. Une chance, je commence à me trégousser sur ma chaise. Mon système digestif me dit non, non, non, non, non. Faudrait que je me fume un spliff, mais la dèche est trop saoulant. Nanananana, éclate mon estomac. Nanananana, réponds mes intestins. Nanananana, oh la la la la la, mon colon devient plutôt malsain. Trop de piment, tu piment, trop de piment, tu piment, trop de piment, tu piment, trop de piment, tu piment, trop de piment, tu piment, trop de piment, tu piment, trop de piment, tu piment, trop de piment, tu piment. Je dirige vers les toilettes, ouvre le bâton et baisse la cuvette. Respire à mon cou et pose mon cul sur le trône. Ça y est, ça commence, mon visage devient tout jaune. Je ressens les prémices du web arriver. Quand les vues que ce monde anus commence à irriter. Mais il faut que je m'arrête pour limiter les dégâts. Et merde, ça coule tout seul, j'ai la diarrhée, c'est pour ça. Les larmes aux yeux, je saisis le PQ en coupe de morceaux et la plaque sur mon anu. Mais que se passe-t-il? Le papier serait abîmé d'alcool. Mon orifice anal entre dans une rage folle. Mais je ne vais pas rester assis sans rien faire. J'ai vraiment aucune envie de finir ma vie ici. Mais je n'ai qu'à ma disposition des morceaux de papier de verre. Essuyez ou crevez, il faut que je me décide. Trop de piment, tu piment, trop de piment. Ceci était un message de prévention contre la consommation excessive de piment. Attention, l'abus de piment est dangereux pour votre anus. Ne pas utiliser avant 15 ans.